Hier soir, eh bien, notre chapelle a résonné de chants. Elle a sans doute jamais entendu, mais c'était merveilleux. C'est bien aussi de savoir qu'il y a plusieurs manières de chanter la louange de Dieu. Mais nous allons prendre ce chant qui a fait vibrer certainement fortement les murs de cette chapelle, mais qui jaillissait du cœur. Ne chantons pas ça simplement parce que, eh bien, c'est l'habitude de chanter. La paix n'est pas de côté.